Ils étaient partis entre amis pour prendre un pot à la terrasse. Ils faisaient ça le vendredi pour se détendre sur la place. Mais ce soir-là, quelques fêlés des allumés de la cervelle avaient décidé de frapper ceux qu'ils qualifiaient d'infidèles. Ce fut un carnage sans nom, une boucherie inhumaine, inconcevable destruction par une religion de hyènes. Des corps partout, désolation, jeunes fauchés à la douzaine. Quel dieu peut servir de caution à cette déflagration de haine? Rien ne s'explique de tout ça. On reste là, le cœur en berne. Meurtre gratuit, assassinat. Fait de la barbarie moderne. Ils étaient sortis prendre un verre pour se retrouver entre amis. On a foutu leur vie en l'air au nom d'une immense folie. Le monde est tellement malade que tout se désagrège autour. C'est une immense débandade. L'argent compte plus que l'amour. La tolérance se dégrade. On vit dans un compte à rebours. Le malheur est en embuscade. Il nous surveille nuit et jour. Une vie à hauteur d'humain, c'est prendre patience en chemin, sans savoir ce qu'il y a devant, essayant de rester confiant. On croit tenir entre ses mains le déroulé des lendemains, mais tout n'est que poussière au vent. Et doux délire de roman. Hier, plus jamais ne revient. Jamais n'arrivera demain. Ne reste plus que le présent pour prendre place dans le temps. On porte en soi ce qu'on aimait. Ils y seront. À tout jamais. Hier, plus jamais ne revient. Jamais n'arrivera demain. Ne reste plus que le présent pour prendre place dans le temps. On porte en soi ce qu'on aimait. Ils y seront à tout jamais. Hier, plus jamais ne revient. Jamais n'arrivera demain. Ne reste plus que le présent pour prendre place dans le temps. On porte en soi ce qu'on aimait. Ils y seront à tout jamais. Thank you. fait partie entre amis.